Docteur Zugamondo, Oyambalo Yagana Ngubu, c'est l'étoile du berger, Grand Mopao, Mopao, à Paris hors norme, ouais. Force de frappe, ah. Sandra Kameki, Kata Sikri Zalaka, James Tortue, Kofi Eka, Papa Madeleine, Mona Madeleine, de Bruxelles, Global Express, Paris-Bruxelles, Kim Service Express assuré, assuré. Thank you. Yeah.